Bonjour à tous, je vous salue aujourd'hui en ce mercredi 25 janvier. Bienvenue à LLB, la lecture de la Bible audio. Donc, on est content de vous avoir avec nous encore ce matin, de pouvoir prendre ce temps ensemble dans la lecture de la Bible. Donc, c'est Maxime Levent qui est avec vous, toujours depuis nos studios du ministère Cœur d'Ancre. Et on va continuer notre lecture ensemble, toujours avec nos quatre sections, donc l'Ancien Testament d'abord, puis on terminera avec le Nouveau Testament, toujours avec le livre de Marc que l'on suit ces jours-ci. Ce matin, nous lirons dans la version français courant, puis je prends quelques minutes aussi pour vous redire que si vous avez des commentaires, des suggestions ou même des sujets de prière que vous aimeriez partager avec nous, N'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre page Facebook ou sur notre site web, donc toujours à ministerecoeurdancre.wordpress.com. Étant donné que c'est sous forme de blog, vous pouvez facilement laisser des commentaires. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire à ministerecoeurdancre@commercial.gmail.com. Donc n'hésitez pas vraiment, ça nous ferait plaisir de pouvoir prier pour vous ou encore d'entendre vos suggestions, vos commentaires constructifs. Donc voilà, c'est dit. On enchaîne immédiatement donc avec notre lecture du livre de Genèse. Donc nous lirons ensemble ce matin Genèse, le chapitre 50, les versets 1 à 26. Donc nous terminerons en fait le livre de Genèse et nous entamerons le livre d'Exode, duquel nous lirons le chapitre 1, les versets 1 à 22. Joseph se précipita vers son père, dont il couvrit le visage de larmes et de baisers. Puis il ordonna au médecin qui était à son service de préparer le corps de son père en vue de l'enterrement. Selon la coutume, les médecins passèrent 40 jours à enduire le corps d'huile parfumée pour le conserver. Les Égyptiens célébrèrent le deuil de Jacob pendant 70 jours. Quand le deuil de Jacob eut pris fin, Joseph dit aux proches du Pharaon, « Si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez transmettre de ma part ces paroles au Pharaon. Avant de mourir, mon père m'a fait jurer de l'enterrer au pays de Canaan, dans le tombeau qu'il s'est préparé. Autorise-moi donc à aller l'enterrer maintenant, puis je reviendrai. » Le Pharaon permit à Joseph d'aller enterrer son père et de tenir ainsi sa promesse. Joseph se mit en route. Il était accompagné des dignitaires du palais au service du Pharaon, des anciens de toute l'Égypte, de toute sa famille, de ses frères et des autres membres de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les petits-enfants et le bétail. Le convoi comprenait aussi une escorte de chars. Il était particulièrement imposant. Ils arrivèrent à Goren Atad, l'aire de l'épine, au-delà du Jourdain. Là, ils célébrèrent solennellement une cérémonie funèbre très impressionnante. Durant 7 jours, Joseph observa le deuil de son père. Les Cananéens qui vivaient dans cette région virent la cérémonie funèbre de Goren Atad et firent cette réflexion. C'est un deuil cruel pour l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit, situé au-delà du Jourdain, reçut le nom d'Abel Misraïm, ce qui veut dire « deuil de l'Égypte ». Les fils de Jacob accomplirent ensuite ce que leur père leur avait ordonné. Ils transportèrent son corps au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré. Abraham avait acheté ce champ à Éphron le Hittite pour que le tombeau soit sa propriété. Après avoir déposé le corps de son père dans le tombeau, Joseph regagna l'Égypte avec ses frères et tous ceux qui les avaient accompagnés pour l'enterrement. Les frères de Joseph se dirent, « Maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent donc parvenir à Joseph ce message. « Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, Par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. » Eh bien, veuille nous pardonner cette faute à nous qui adorons le même Dieu que ton Père. » Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message. Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit « N'ayez pas peur, je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces paroles affectueuses, il les réconforta. Ainsi, Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte. Joseph vécut 110 ans. Il vit naître les enfants et les petits-enfants de son fils Éphraïm, et il adopta les enfants de son petit-fils Makir, fils de Manassé. Un jour, Joseph dit à ses frères, « Je vais bientôt mourir, mais Dieu vous viendra certainement en aide. Il vous fera quitter l'Égypte pour vous conduire dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Jurez-moi donc d'emporter mon corps avec vous lorsque Dieu interviendra ainsi pour vous. » Joseph mourut en Égypte à l'âge de 110 ans. On enduisit son corps d'huile parfumée pour le conserver et on le déposa dans un cercueil de pierre. Voici les noms des fils de Jacob, ou fils d'Israël, qui vinrent en Égypte avec leur père. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Chacun était accompagné de sa famille. En tout, les descendants de Jacob étaient alors au nombre de 70. Joseph, son autre fils, était déjà en Égypte. Plus tard, Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux et très forts. Le pays en fut rempli. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple, « Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. » Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pithom et Ramsès pour y entreposer les réserves du Pharaon. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient de place, si bien qu'on les redoutait. Les Égyptiens les traitèrent durement comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Il y avait chez les Hébreux deux sages-femmes, dont l'une s'appelait Shiphra et l'autre Pua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles n'obéirent pas au roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Alors le roi les convoqua et leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi laissez-vous vivre les garçons? » « C'est que, répondirent-elles, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et mettent leurs enfants au monde avant l'arrivée de la sage-femme. » Ainsi, les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et très forts. Et Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes en leur donnant des descendants parce qu'elles lui avaient obéi. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Jetez dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né. Ne laissez en vie que les filles. Nous enchaînons avec le psaume 21. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, le roi se réjouit de ta puissance. Quand tu viens à son secours, quelle joie pour lui! Tu lui as donné ce qu'il désirait, tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu viens à lui chargé de bénédictions, tu poses sur sa tête une couronne d'or. Il te demandait la vie, tu la lui donnes, et tu la prolonges longtemps, longtemps. Grâce à ton secours, sa gloire est immense. Tu le couvres de splendeur et de majesté. Tu fais de lui pour toujours l'homme béni par excellence. Tu le rends heureux par ta présence. Oui, le roi compte sur le Seigneur et grâce à la bonté du Dieu Très-Haut, il ne risquera pas de faiblir. Ô roi, tu sauras atteindre tes ennemis. Ta main ne manquera pas ceux qui t'en veulent. Tu en feras un grand feu dès que tu apparaîtras. Oui, que le Seigneur, dans sa colère, n'en fasse qu'une bouchée et que le feu les dévore. Tu débarrasseras la terre de leurs descendants et l'humanité de leur espèce. S'ils cherchent à te nuire, s'ils intriguent contre toi, ils n'arriveront à rien. Tu tireras tes flèches contre eux. Tu les mettras en fuite. Seigneur, montre ta grande puissance. Quant à nous, nous voulons chanter et célébrer tes exploits. Continuons avec le proverbe d'aujourd'hui. Donc, nous lisons dans le livre des Proverbes, toujours au chapitre 3, les versets 33 à 35. Le Seigneur maudit la maison des méchants, alors qu'il bénit la demeure des justes. Il se moque de ceux qui se moquent de lui, mais il traite les humbles avec bonté. La part réservée aux sages, c'est l'honneur. Celle des sots, la honte. Et nous terminons notre lecture d'aujourd'hui, donc dans le livre de Marc, le chapitre 15. Nous lirons les versets 1 à 47. Tôt le matin, les chefs des prêtres se réunirent en séance avec les anciens et les maîtres de la loi, c'est-à-dire tout le conseil supérieur. Ils firent ligoter Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient de nombreuses accusations contre Jésus. Alors, Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Tu entends combien d'accusations ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête de la Pâque, Pilate libérait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, un certain Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient commis un meurtre lors d'une révolte. La foule se rendit donc à la résidence de Pilate, et tous se mirent à lui demander ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Il savait bien, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres poussèrent la foule à demander que Pilate leur libère plutôt Barabbas. Pilate s'adressa de nouveau à la foule, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant, « Cloue-le sur une croix !» Pilate leur demanda, « Quel mal a-t-il donc commis ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Cloue-le sur une croix !» Pilate voulut contenter la foule et leur libéra Barabbas. Puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du palais du gouverneur et ils appelèrent toute la troupe. Ils le revêtirent d'un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent au dehors pour le clouer sur une croix. Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils conduisirent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « le lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin mélangé avec une drogue, la myrrhe, mais Jésus le refusa. Puis, ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Il était 9 heures du matin quand ils le clouèrent sur la croix. Sur l'écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, il y avait ces mots. Le roi des Juifs. Ils clouèrent aussi 2 brigands sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est ainsi que se réalisa le passage de l'Écriture qui déclare « Il a été placé au nombre des malfaiteurs ». Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils lui disaient « Hé, toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus et se disaient les uns aux autres, « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. » Ceux qui avaient été mis en croix à côté de Jésus l'insultaient aussi. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, « Éloï, Éloï, lema sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent, « Écoutez, il appelle Élie !» L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive et dit, « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix !» Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le capitaine romain qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort et il dit, « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie, du village de Magdala. Marie, la mère de Jacques, le jeune, et de Jose, et Salomé. Elles avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là quand arriva Joseph, qui était d'Arimathée. Joseph était un membre respecté du Conseil supérieur et il espérait, lui aussi, la venue du royaume de Dieu. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. C'est pourquoi Joseph alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin. Il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient où on mettait Jésus. On veut terminer notre temps de lecture quotidienne ensemble dans la prière. Alors prions ensemble. Dieu très haut, Seigneur grand et puissant, on vient s'agenouiller devant toi ce matin, toi qui es couvert de splendeur et de majesté. Tu es le Dieu qui règne sur toute la terre, sur l'univers. Tu es si grand et nous si petits, Seigneur. Nous sommes si petits et pourtant on a tellement de difficultés à vivre dans l'humilité. On est rempli d'orgueil, Seigneur. Seigneur, à la lumière de ces textes qu'on vient de lire ce matin, on veut vraiment te demander pardon pour notre manque d'humilité. Toi, Jésus, tu fus humilié. Tu as accepté de subir toutes ces humiliations, de te faire fouetter, de te faire mettre une couronne d'épines, de te faire cracher au visage sans dire un mot. Seigneur, tu es allé à la croix. Tu as souffert. Tu as crié ton désespoir à la croix, Seigneur. Tu as été abandonné du Père. Et tu as subi toutes ces choses en t'humiliant pour nous. Oui, Seigneur Jésus, les larmes viennent aux yeux en pensant à la grandeur de ce sacrifice. Puis on ne peut, Seigneur, que te dire merci. Reçois nos faibles mots qui veulent te dire merci pour ce sacrifice. Merci d'avoir payé à la croix pour nous, Seigneur. C'est notre joie de tous les jours, c'est notre espoir, c'est notre salut. Merci. Oui, mon Père, on veut chanter et célébrer tes exploits. On veut chanter et célébrer ta bonté. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous apprendre l'humilité et la reconnaissance dans toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à être toujours reconnaissants, à être humbles, à marcher à tes côtés, humblement, Seigneur. C'est notre prière ensemble ce matin. Je te prie que la grandeur de ton sacrifice pour nous soit l'objet de nos pensées, Seigneur, que dans toutes les choses qu'on fait, qu'on dit, on ne perde pas de vue, qu'on est racheté à cause de l'amour que Jésus a eu pour nous d'endurer toutes ces choses. Merci pour cet amour si merveilleux, si grand, si extravagant. Seigneur, on te remet cette journée. Tu connais déjà toutes les choses qu'on va faire aujourd'hui. On te remet l'œuvre de nos mains, puis on te prie, Seigneur, de bénir l'œuvre de nos mains aujourd'hui. Oui, que ton nom soit béni et glorifié. Et on te prie au nom de Jésus, humilié pour nous. Amen.